Bonjour, je suis Isabelle Autissier, présidente d'honneur du WWF France. En tant que navigatrice, je constate les effets du réchauffement climatique sur les océans et les glaciers. Notre planète se dégrade, mais ce n'est pas une fatalité. Ensemble, nous pouvons la protéger. En faisant un leg au WWF, c'est une planète vivante que nous transmettrons aux jeunes générations. Demandez votre brochure leg sur transmettre.wwf.fr ou appelez Camille Perrier au 01 73 60 40 40. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le vol du cercueil de Philippe Pétain. Le 19 février 1973, un commando de 6 hommes se rend sur l'île Dieu et tente d'enlever dans la plus grande discrétion le cercueil du maréchal frappé d'indignité nationale. Derrière ce coup d'éclat qui agite la presse et inquiète la classe politique française, se dessine une tentative désespérée de réhabiliter celui qui fut le chef de l'État de Vichy. Au terme de 3 jours d'abattage médiatique et de recherches intensives, le corps de Philippe Pétain est finalement inhumé de nouveau dans le cimetière de Port-Joinville, à la place où il était avant. Fin de la péripétie. Peut-être. Mais qui sont ces gens qui viennent dérober une sépulture comme on le ferait pour une idole dans un rite païen? Pourquoi convoquer ce fantôme du déshonneur qu'était Pétain? On croyait l'affaire réglée depuis son procès en juillet 1945. Cet épisode, en tout cas, constitue l'une des dernières incursions posthumes du maréchal Pétain dans la vie politique française. Il est aussi un tournant pour l'extrême droite qui abandonne peu à peu la mémoire du maréchal pour d'autres combats. Notre invité aujourd'hui, Jean-Yves Lanaour, historien spécialiste de la Première Guerre mondiale et plus globalement du XXe siècle. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Gaspard Valu, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Il est environ 2h30 du matin, en cette nuit du dimanche 18 au lundi 19 février 1973. Une estafette Renault circule le plus discrètement possible dans les petites rues de Port-Joinville, sur l'île Dieu. À bord de cette camionnette, 6 hommes qui ne prononcent pas un mot et dont les regards à peine se croisent. Tous sont concentrés sur leur objectif, comme prêts à se lancer dans une opération commando d'envergure. Après quelques minutes à arpenter les ruelles et les chemins de terre du chef-lieu de l'île vendéenne, l'estafette s'engage rue Georges Clémenceau. Très vite, le chauffeur éteint les phares et poursuit son chemin sur la centaine de mètres qui lui reste à parcourir. Puis il s'arrête devant les grilles du cimetière de Port-Joinville. Sans faire le moindre bruit, 2 hommes descendent et ouvrent la grille. L'estafette s'engage dans les allées qui longent les caveaux. Dans l'obscurité, pourtant, une chose est claire. Les 6 hommes sont à la recherche d'une tombe bien précise. Alors, à la lampe torche, ils parcourent les sépultures et les stèles. Au bout de quelques minutes, le faisceau de lumière s'arrête sur une grande tombe blanche ornée d'une croix, presque cachée là au fond du cimetière. Cette tombe, c'est celle du maréchal Pétain, celle que les 6 hommes sont venus chercher. Sans attendre, 2 d'entre eux saisissent une barre à mine dans la camionnette et s'attaquent au joint de l'imposant pierre tombale qui renfermait le cercueil. Le bruit de la barre qui frappe la pierre vient troubler le calme de cette nuit de dimanche d'hiver. Ce sont d'abord les aboiements d'un chien qui alerte le commando. Puis, quelques secondes plus tard, il voit une lumière s'allumer dans le bâtiment de la gendarmerie, situé à juste une petite centaine de mètres du cimetière. Après quelques secondes à retenir leur souffle, tous se remettent au travail. Une 10 coups de barabine plus tard, le joint de la pierre tombale finit par céder. À plusieurs, ils commencent à pousser l'imposante dalle qui renferme le tombeau de Philippe Pétain. Et le cercueil de celui que ses fossoyeurs à l'envers appellent le héros de Verdun apparaît. Interrogé dans le documentaire « On a volé le maréchal » réalisé par Cédric Condon, le chef du commando, Hubert Massol, se souvient. Maréchal, nous voilà. évidemment, c'était le moment fatidique. Là, tout le monde a retrouvé l'esprit commando, tout le monde s'est mis au garde à vous. Et moi, j'ai crié maréchal, nous voilà. Bon, c'était un petit peu le côté émotionnel, un petit peu. Non, j'ai pas pensé à faire un mot historique du tout, mais c'est venu comme ça, spontanément. On était venu là pour ça, donc c'est sorti, quoi. Après ce bref et solennel moment, le commando s'active. Le temps presse, et il faut sortir le cercueil. Les plus forts des six hommes le soulèvent à la force des bras et le transfèrent avec précaution à l'arrière de l'estafette. Une fois le butin mis à l'abri et la pierre tombale remise en place, l'un des membres du commando s'affaire à refermer la tombe. Quelques coups de truelle et le caveau du maréchal Pétain est comme neuf. Avant de partir, les visiteurs du cimetière prennent soin de passer le râteau sur les graviers qui entourent la tombe. Un vrai travail de pro. Moins de 30 minutes après avoir pénétré dans l'enceinte du cimetière, l'équipe referme les grilles et redémarre tout feu éteint. Pas vu, pas pris. Ils prennent la direction de l'hôtel des voyageurs situé sur les quais de Port-Joinville. À 4h35 du matin, l'estafette et son équipage embarquent dans le premier ferry de la journée en direction de Fromentine en Vendée et disparaissent des radars. Voilà. On appelle ça un crime presque parfait. Car à 9h du matin, Jean Tarot, l'employé municipal chargé de l'entretien du cimetière, tout juste arrivé sur place, comprend que quelque chose ne va pas. La tombe du maréchal Pétain est l'unique attraction de l'île en hiver. Alors, avec le match de foot qui a lieu samedi et l'habitude que les joueurs ont de visiter la tombe en attendant de reprendre le ferry, tout devrait être en désordre. Mais non, aujourd'hui tout est propre. Le gravier a été ratissé et la tombe est en parfait état. En posant ses doigts sur la pierre tombale, il remarque que le joint est tout frais, probablement même de cette nuit. Le diable est dans le détail, c'est bien connu. Alors l'employé court à la mairie et alerte les autorités. Personne n'en est encore revenu à l'Île-Dieu, ni à La Roche-sur-Yon, préfecture de la Vendée, ni ailleurs, nulle part en France. Le cercueil du maréchal Pétain, composé d'une enveloppe de chêne dans laquelle se trouvait un autre cercueil de zinc, a été enlevé dans la nuit de dimanche à lundi. Pour cela, il a fallu que des inconnus décèlent d'abord la pierre tombale, la déplacent et retirent le cercueil avec des cordes. Ce cercueil pèse 800 kilos. Plusieurs personnes ont donc dû intervenir pour parvenir à l'enlever et à le transporter jusqu'à une voiture qui attendait sans doute devant le cimetière. Au lendemain du vol du cercueil du maréchal Pétain, la presse est en alerte et la police se met en chasse. Les registres d'embarquement de la navette qui relie l'île-Dieu à Fromentine sont épluchés, les hôteliers et restaurateurs interrogés, toute piste est bonne à prendre. À deux jours de l'anniversaire du début de la bataille de Verdun, tout cela fait un peu tâche. Mais en même temps, c'est un indice. Verdun, mais oui, bien sûr. Et au milieu, ce site hautement symbolique de la Première Guerre mondiale, le fort de Douaumont et son illustre bataille. Là, où est enterrée la centaine de milliers de morts dans les tranchées de la Meuse. Dans un testament rédigé en 1938, Philippe Pétain avait demandé à y être enterré. Mais jugé après la libération, Pétain est condamné à mort, puis gracié par le général de Gaulle qui transforme la peine en prison à vie et à l'indignité nationale. Après son procès, l'ancien chef de l'État de Vichy est emprisonné plusieurs mois au fort du Portalet, là où nombre de personnalités et opposants avaient été justement enfermés durant cette guerre. C'est finalement à l'île-Dieu, au fort de la Citadelle, qu'il est emprisonné, seul avec ses gardes. Il termine sa vie sur l'île, dans la maison d'un habitant qu'il accueille pour ses dernières semaines, avant d'être enterré dans le cimetière de Port-Joinville. Le 19 février 1973, au lendemain du vol de son cercueil, les reporters de l'ORTF et la police, qui savent vous regarder désormais, quadrillent l'ossuaire de Douaumont et ses alentours. Commençons ce journal par une énigme. Qu'est devenu le cercueil du maréchal Pétain, disparu hier de la tombe où il reposait à l'île-Dieu? On sait que depuis sa mort, en 1951, la translation à Douaumont de la dépouille de l'ex-chef de l'État français avait souvent été demandée par la famille et des fidèles du maréchal. Voilà, nous allons voir tout de suite le reportage réalisé à Douaumont. Dans la neige, le froid et le brouillard, un escadron de gendarmerie a monté une garde vigilante toute la nuit et toute la journée d'aujourd'hui autour de l'ossuaire de Douaumont. Ainsi qu'à 12 km de là, à Souilly, où il y a 57 ans se trouvait le quartier général du maréchal Pétain. Et sur toutes les routes pouvant conduire dans l'Est, la même vigilance a été observée. Des barrages ont été mis en place, de nombreux véhicules ont été contrôlés, fouillés en vain. Ce soir, les recherches sont toujours vaines. À Douaumont, comme en Vendée, les enquêteurs restent dans le flou. Aucune piste sérieuse ne se dégage. Pendant qu'à Paris, la pression est de plus en plus forte sur les proches du maréchal. Ils sont, à l'image de Jean Borotra, l'ancien tennisman et ministre de Vichy, les porte-voix de la cause. Entendez le transfert du corps. Le général de Gaulle pensait les satisfaire en prononçant la grâce. Mais lassé du silence de l'État depuis 1951 sur cette insistante demande de transfert, peut-être sont-ils passés à l'action. Devant la presse, Madame de Vérin, l'héritière de Philippe Pétain, s'emporte contre ceux qui se sont lancés dans une telle entreprise, insistant sur le fait que cela ne pourrait que nuire à leur cause. Pourtant, avec la proximité des élections législatives qui doivent se tenir en mars 73, difficile de ne pas y voir une nouvelle tentative auprès du futur éventuel gouvernement pour obtenir ce que vous savez. La voix officielle de Philippe Pétain, c'est Jacques Izorni. Il est l'avocat de l'ancien maréchal depuis son procès en 1945 et il fait partie de ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin de sa vie, lui rendant régulièrement visite sur l'île vendéenne. Au lendemain du vol du cercueil, il est interrogé par le journal télévisé du soir. Je suis stupéfait, mais cependant, des bruits étaient venus jusqu'à moi d'une manière anonyme, par des coups de téléphone. On me disait que quelque chose se préparait à l'Île-Dieu. J'avais, dans la mesure où on peut intervenir dans l'anonymat, j'avais dit, mais ne faites pas une folie pareille. Et puis, je n'avais plus de nouvelles et je croyais que ceux qui avaient projeté d'entreprendre cet enlèvement d'un cercueil et du cercueil du maréchal Pétain avaient renoncé. J'apprends aujourd'hui que non seulement ils n'ont pas renoncé, mais qu'ils ont réussi. C'est la violation d'une sépulture, c'est-à-dire un délit prévu par le code pénal. C'est l'enlèvement d'un corps et c'est aussi une atteinte portée aux dernières volontés du maréchal Pétain. Comme le pressent Jacques Izorni, ceux qui se sont lancés dans cette tentative de transfert du corps de Philippe Pétain n'ont pas renoncé. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Si l'avocat historique de Philippe Pétain ne connaît pas l'identité du commando, un autre avocat parisien, figure de l'extrême droite française, est bien au courant. Ce proche des cercles pétainistes de la capitale, c'est le célèbre avocat Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Candidat de l'extrême droite à la présidentielle de 65, et mentor d'un certain Jean-Marie Le Pen, qui sera d'ailleurs son directeur de campagne, il est aussi le fondateur de l'éphémère parti Rassemblement National Français, puis de l'Alliance Républicaine pour les Libertés et le Progrès, qui compte peser pour les législatives à venir en mars 73. Dans le programme du parti politique de Tixier-Vignancourt, le transfert du corps de Philippe Pétain figure en bonne place. Et, parmi les fidèles de l'Alliance Républicaine pour les Libertés et le Progrès, c'est Hubert Massol, un publicitaire proche de Tixier-Vignancourt, qui dirige l'équipe venue extraire le corps du maréchal Pétain de sa tombe de l'Île-Dieu. Candidat du parti d'extrême droite dans le 19e arrondissement de Paris, c'est lui qui a recruté la plupart des membres du commando. Cette mission stratégique, il décide de s'entourer de deux légionnaires, un Polonais robuste et un Hongrois intrépide. Il fait aussi appel à Pierre Garot, un ancien parachutiste, et à son père, Armand, fidèle parmi les fidèles des nostalgiques de Pétain. Mais un poste stratégique doit être encore pourvu. Pour ouvrir la tombe, mais surtout la refermer sans laisser trace, il faut un professionnel. Or, dans l'entourage du Bermassol, il n'y en a pas. C'est donc Jean-Louis Tixier-Vignancourt qui se charge de recruter ce dernier membre hautement stratégique. Il s'appelle Michel Dumas. C'est un employé des pompes funèbres du cimetière de Thiers dans le Val-de-Marne. Devant la caméra de Cédric Condon, pour le documentaire « On a volé le maréchal », il raconte comment l'avocat parisien est venu lui parler de son projet fou. J'avais connu Maître Tixier-Vignancourt parce que sa femme venait sur la tombe de sa gouvernante qui avait été inhumée au cimetière de Thiers. Bah, dit, je vais vous faire une confidence. Nous aurions l'intention d'exhumer le maréchal Pétain. Et est-ce qu'éventuellement, vous pourriez le faire, puisqu'il faut un spécialiste. Bon, on dit, bon, si on ne refuse pas quand un ami, on ne refuse pas quand même une bricole. Et alors là-dessus, bon, j'ai dit, bah, je vais vous le faire, je vous le ferai. Et l'équipe est montée. Mais encore faut-il préparer l'opération dans laquelle s'implique la figure d'extrême droite Tixier-Vignancourt. Si ce sont les hommes du Bermassol qui feront le sale boulot, lui a tout de même un rôle important à jouer. En janvier 73, quelques semaines avant la date prévue du transfert du corps de Philippe Pétain, le ténor du barreau parisien se rend au tribunal de Nantes. Il vient plaider dans une banale affaire de conflit de voisinage où des poules vagabondes ont la fâcheuse tendance de traverser les clôtures. On est bien loin des affaires sensibles pour lesquelles Jean-Louis Tixier-Vignancourt est habituellement appelé. Et bien la raison de cet intérêt soudain pour cette histoire de gallinacé, c'est la proximité avec l'Île-Dieu. Lors de son passage dans la région, il en profite donc pour se rendre à Port-Joinville. Là, il y retrouve Ginolo, le patron de l'hôtel des voyageurs. C'est ici que résidait Eugénie Pétain lorsque son mari était emprisonné au fort de la Citadelle. Un pied-à-terre pratique pour honorer son droit de visite quotidien. On l'aura compris, le patron du bar est un fervent nostalgique et il entretient avec soin un musée personnel à la gloire du maréchal. Après un rapide tour du propriétaire, les deux hommes effectuent le travail préparatoire à la mission que doivent accomplir les hommes du Bermassol. Ils repèrent le chemin emprunté pour rejoindre le cimetière depuis l'hôtel. Ils jaugent la proximité avec le poste de gendarmerie et notent scrupuleusement les heures de départ des bateaux vers Fromentine. Enfin, ils conviennent d'une date pour l'opération. Elle aura lieu dans la nuit du 18 au 19 février. Pour faire venir sur l'île la camionnette qui devra transporter le cercueil, Hubert Massol missionne Solange Bosch. Le rôle de cette jeune commerçante des Hauts-de-Seine est simple. Elle doit prétexter une venue sur le marché qui se tient le vendredi 16 février, puis repartir le jour même en laissant l'estafette devant l'hôtel des voyageurs. « Tout cela paraît bien ficelé, et d'ailleurs, dans la nuit du 18 au 19 février, tout se passe comme prévu. Avant d'embarquer sur le bateau de 4h35, Hubert Massol et ses hommes prennent même le temps de trinquer à la gloire du maréchal, en compagnie du patron de l'hôtel. Après un tour du musée privé de Gilles Nolo, Michel Dumas trouve le temps d'écrire 4 cartes postales pour immortaliser le moment et le partager avec ses proches. Avant de repartir vers le continent, il confie au tenancier le soin de les poster dans la matinée. Arrivé à Fromentine, peu avant 6h du matin, les hommes se séparent. Michel Dumas reste avec un de ses complices dans l'estafette, tandis que les trois autres montent à bord d'une berline laissée sur place la veille. Les deux véhicules prennent la direction de Verdun. Ils ne se doutent pas que Jean Tarot, l'employé municipal de Port-Joinville, s'apprête à découvrir que la tombe a été ouverte dans la nuit. Dans l'euphorie du moment, Michel Dumas, qui voyage à bord de l'estafette, n'y pense pas et décide de graver ses initiales sur le cercueil de Philippe Pétain. C'est vers midi, alors qu'il s'arrête déjeuner dans un petit restaurant situé sur la route de Verdun, que les six hommes découvrent la nouvelle. Bonjour. Le mystère de l'enlèvement du cercueil du maréchal Pétain reste entier. Les enquêteurs le reconnaissent, ils n'ont pratiquement aucune piste sérieuse. Deux sentiments dominent dans les réactions enregistrées après cette rocambolesque affaire, la stupeur et la réprobation. Et cela, d'où que viennent ces réactions? Tout le long du littoral vendéen, les gendarmes interrogent tous ceux qui ont pu remarquer quelque chose. Un bateau inconnu dans le secteur, des allées et venues suspectes, voire même un avion de tourisme. Pourquoi pas? Les habitants de Port-Joinville, dont les maisons sont proches du cimetière, n'ont apparemment rien vu, rien entendu. Eux qui pensaient avoir fait un travail parfait et pouvoir filer vers nous au mont, déchantent sérieusement. Après une rapide concertation avec ses hommes, Hubert Massol décide de se dérouter vers Paris et d'aller chercher ses ordres auprès de Jean-Louis Texier-Vignancourt. En fin d'après-midi, la berline et l'estafette qui transportent le commando arrivent aux abords de la capitale. Le commando sépare. Hubert Massol et Michel Dumas se rendent au domicile parisien de l'avocat situé boulevard Raspail et devant lequel une voiture de police observe déjà les allées et venues. La pression monte autour de Jean-Louis Texier-Vignancourt et il charge Hubert Massol de cacher le cercueil en attendant de voir comment la situation évolue. Le chef du commando repart seul au volant de sa camionnette. Il prend la direction de Saint-Ouen, mais il fait un détour par la place de l'Étoile et décide d'offrir au maréchal Pétain le symbolique honneur d'une descente des Champs-Élysées. Mais oui. En fin de journée, Hubert Massol arrive devant la porte d'un garage de Saint-Ouen et y dépose le cercueil. Le box est situé avenue Gabriel Péri, du nom de ce résistant communiste arrêté par la police française, donc par Vichy, durant la Seconde Guerre mondiale, et fusillé au Mont-Valérien par les Allemands. Le mardi 20 février, la pression continue de monter autour des cercles pétainistes parisiens. Le gouvernement de Pierre Messmer ne souhaite pas communiquer officiellement sur cette affaire. Et à quelques jours d'élections législatives importantes, Georges Pompidou cherche à ménager ses alliances et veut à tout prix éviter d'entrer sur le terrain glissant du pétainisme. Le président se souvient des conséquences de sa grâce offerte 2 ans plus tôt à Paul Touvier, l'ancien chef de la milice lyonnaise, et du tollé international provoqué par cette décision. Alors, le gouvernement fait front et décide de ne rien dire. Le Conseil des ministres qui se tenait ce matin à l'Élysée n'a pas publié de communiqué sur l'affaire Pétain. Mais les membres du gouvernement en ont parlé entre eux et leur porte-parole, M. Jean-Philippe Leca, résume l'impression générale. Quelles que soient les controverses de nature historique ou politique qui renaissent à l'occasion d'un tel acte, nous sommes en présence d'une violation de sépulture qui a un caractère particulièrement odieux et que chacun condamne. S'il se refuse à commenter, le gouvernement n'en est pas moins sur les dents. Et l'affaire est prise très au sérieux. Le ministre de l'Intérieur et le préfet de police sont tombés d'accord pour retrouver au plus vite le cercueil du maréchal Pétain. Du côté des réseaux pétainistes également, la fronde se fait de plus en plus forte. Si certains soupçonnent des militants d'extrême-gauche, la plupart sont convaincus qu'il s'agit bien de partisans du maréchal, ce qui apparaît évidemment l'hypothèse la plus probable. Interrogé à la télé, Jacques Zorni affirme que cette tentative n'aura comme autre résultat que faire du tort à la cause qu'elle porte. Lui aussi s'y met. Façon de dire qu'ils ont fait une connerie, quoi, et une belle. Voilà pour la prise de position publique de l'honorable monsieur Zorni. Mais dans la plus grande discrétion, lui aussi s'active. Il sait que son confrère, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, est mêlé à ce coup fourré. Le jour même, il le rencontre au palais de justice de Paris et le somme d'arrêter ses conneries. Et là, ce sont ses propres mots. Du côté de la police, l'enquête progresse. Dès le mardi 20 janvier au soir, l'estafette immatriculée dans les Hauts-de-Seine, repérée sur les registres du bateau, est retrouvée dans le 16e arrondissement de Paris. Un début de dénouement raconté le lendemain matin aux infos. 5 personnes sont interrogées par le commissaire Poisblanc et ses collaborateurs. Parmi ces 5 personnes, il y a Madame Bosch, une commerçante, qui aurait été dans la camionnette qui a servi au transfert du corps. Ce véhicule a été retrouvé cet après-midi à Paris, dans le 16e arrondissement, près de la maison de la radio. Et lorsqu'elle a été retrouvée cet après-midi, elle a été ensuite transférée au Quai des Orfèvres, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Seuls quelques bouts de bois, quelques étalages mobiles de commerçants ambulants. Il est à peu près certain maintenant que cette estafette a servi à l'enlèvement, puis qu'elle a été abandonnée à Paris lorsque les ravisseurs ont su que les accès de Douaumont étaient surveillés par la police. Ici la préfecture de police, à vous, Cognac G. Ce n'est que des questions d'heures maintenant, au mieux de jours, avant qu'on arrête le commando et que les coupables soient désignés. Dès le 21 février au matin, Solange Bosch est arrêtée et commence à livrer ses complices. Ainsi, Michel Dumas est interpellé chez lui, à Thiers. Devant les enquêteurs, il commence par nier les faits. Mais lorsque l'un des policiers place devant lui l'une des 4 cartes postales qu'il a pris le temps d'écrire au comptoir de l'hôtel des voyageurs, il est bien obligé de reconnaître sa participation à l'opération. Hubert Massol, le chef d'équipe, lui, court toujours. En début d'après-midi, et toujours dans la plus grande discrétion, il se rend au palais de justice de Paris. Il y retrouve Tixier-Vignancourt, qui l'attend. Il est temps de se rendre et de négocier au mieux les termes d'une sortie, disons, honorable. Le ténor du barreau insiste pour ne pas être mêlé à cette affaire. Sans quoi, il risque d'être radié de l'ordre et de ne pas pouvoir défendre Hubert Massol lors de son probable procès. Il se met également d'accord pour ne pas rendre le cercueil tant que le président de la République ne sera pas engagé par écrit à transférer le corps de Philippe Pétain à Douaumont. Peu avant 17h, Hubert Massol convoque la presse dans un café de l'avenue de la Grande Armée. Dans un dernier coup d'éclat, il plaide sa cause devant micros et caméras venus enregistrer les propos du cerveau d'opération. Nous avons agi de nuit. J'aurais précisé que la moyenne d'âge était de 35 ans. Tout ceci pour prouver qu'au-delà des générations, le souvenir du maréchal Pétain était toujours vivace. Nous étions 6. Nous sommes entrés dans le cimetière de nuit. Nous avions un matériel rudimentaire mais efficace. Une barre à mine et 2 rouleaux. 2 bons bras. Une excellente bonne volonté. Nous avons fait rouler la pierre. Nous avons extrait le cercueil du maréchal Pétain, que nous avons trouvé dans un excellent état, que nous avons mis en lieu sûr. Moi seul connais ce lieu, je le précise, et ne le dévoilerai que lorsque j'aurai obtenu, ou plus exactement, disons que peut-être je ne serai pas libre de mes mouvements demain matin, que le président Tixier-Vignancourt sera habilité à recevoir toute proposition, et que lorsque j'aurai obtenu la proposition dont j'ai fait état tout à l'heure, je serai à même de rapporter moi-même le corps. Arrêté à la toute fin de sa conférence de presse, Hubert Massol est conduit au 36 Quai des Orfèvres. Désormais, la police détient tous les membres du commando. Il ne reste plus que la dépouille de Philippe Pétain pour clore l'affaire. Alors qu'il s'est promis de ne pas livrer l'adresse où il a caché le corps, Hubert Massol finit par craquer peu avant minuit, le mercredi 21 février. Dans la foulée, une dizaine de voitures de police prend la direction de l'avenue Gabriel-Péri à Saint-Ouen. à l'adresse indiquée, les policiers retrouvent sous un tas de draps et un empilement de matelas le cercueil du maréchal Pétain. Très vite, la dépouille est transférée au Val-de-Grâce avant d'être rapatriée sur l'île Dieu. Face à la presse, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, le chef de file du parti pour lequel Hubert Massol est alors candidat, tente de garder la face. Ce que je peux vous dire, c'est que ni le bureau politique, ni les deux vice-présidents, le colonel Tomaso et le général Gardon, ni bien entendu le président, n'étaient au courant. Hubert Massol, vous le connaissez ? Oui, je le connais. Il est même candidat, t'es candidat dans le 19e arrondissement. C'est un garçon pondéré, calme, plein de bon sens. Et rien, mais alors vraiment rien, n'aurait pu me faire penser qu'il aurait pris cette initiative. À votre avis, qu'est-ce qui l'a poussé à un tel geste ? Vous savez, c'est à lui qu'il faudrait le demander plus qu'à moi. Est-ce que vous condamnez l'acte d'Hubert Massol ? Je n'en sais pas encore assez. Je veux voir le dénouement, moi. Voilà. Et au dénouement, nous verrons. Le 22 février à 8h du matin, le cercueil du maréchal Pétain décolle de l'aéroport militaire de Villacoublay. Après une courte cérémonie religieuse à Bourgoinville, le corps est à nouveau inhumé. Le président de la République, Georges Pompidou, fait déposer une gerbe de fleurs au pied du caveau. Trois jours après avoir disparu du cimetière de l'Île-Dieu, le cercueil du maréchal Pétain y a été ramené ce midi. Le cercueil était arrivé en hélicoptère en présence du préfet de la Vendée, de magistrats et de policiers. Des anciens combattants formaient une haie d'honneur. Un cortège s'est formé, précédé de drapeaux tricolores. Il y avait aussi des gerbes de fleurs. Et sur la cravate tricolore de l'une de ces gerbes, on lisait « Le président de la République ». Après d'ultimes prières, le cercueil a été replacé dans le tombeau à 14h35. Mais l'affaire n'a pas fini de soulever des commentaires. Parmi la foule de curieux venus voir l'inhumation, quelques admirateurs de Philippe Pétain se retrouvent. Déçus de ne pas voir sa sépulture transférée à Verdun, ils regardent la dalle blanche se refermer sur leur héros, et avec eux, la France entend le chant du cygne du pétainisme. Après ce coup manqué, ni le commando, ni Tixier-Vignancourt ne sont inquiétés par la justice, car le gouvernement veut éviter un procès politique. Et peu à peu, la sauvegarde de la mémoire de Philippe Pétain est reléguée au second plan dans la rhétorique de l'extrême droite française. La morale de cette histoire est assez cocasse, finalement. Alors qu'il voulait l'exhumer, les nostalgiques de Pétain l'auront enterré deux fois. Je suis mort. Je suis bien mort. S'il vous plaît, ne pleurez pas sur mon sort. J'adore. Elle suit mon corbillard, je la sens près de moi, son rimel foulcan. Oh, qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Toi qui ne venais jamais à mes rendez-vous de mon vivant. Tu ne te promenais jamais en auto seul avec moi. Aujourd'hui c'est fait, nous voilà réunis dans le même convoi. Tu m'as dit non toute ma vie, le jour de ma mort tu me dis oui. L'amour auquel je ne croyais pas est né le jour de mon trépas. Ah, ah, oh, qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Quelles sont belles tes fleurs, tu en as eu au moins pour 15 000 francs. Toi qui dédaignais tous les bouquets de roses que je t'offrais. Aujourd'hui, c'est toi qui m'apportes une couronne signée regret. Moi, j'ai pleuré toute ma vie. Le jour de ma mort, tu pleures aussi. Dommage que tu me dises je t'aime dans le langage des chrysanthèmes. Oh, qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Moi qui voulais me foutre à l'eau chaque fois que tu me disais non. Je ne pouvais pas supporter l'idée de vivre sans toi. Mais je me disais, fais confiance au destin, qu'on ne reviendra. Fallait que je défonce un platane pour que tu veuilles bien devenir ma femme. Tu vas voir comme ce sera coquin, tous les jours ce sera la Toussaint. Je la sens près de moi. Si j'avais su, je serais mort avant. Je serais mort avant. Oh oui, bien avant. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la disparition du cercueil de Philippe Pétain. Notre invité, Jean-Yves Le Naour. Bonjour. Bonjour. Historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale, plus globalement du XXe siècle, dont la Première Guerre d'ailleurs était la matrice violente. D'abord, une question non élucidée dans le récit. Est-ce que Philippe Pétain possède toujours officiellement le titre de maréchal de France après avoir été frappé d'indignité nationale? Eh bien... Écoutez, à partir du moment où il est frappé d'indignité nationale, il ne devrait plus porter ce titre. Donc, oui. Pendant même quelques années, on l'a appelé l'ex-maréchal, ou Philippe Pétain. Et puis, c'est tombé en désuétude et on l'habitude de l'appeler maréchal Pétain, est resté. Mais cela aurait permis savoir cela. C'est une bonne question parce que savoir cela aurait permis à Emmanuel Macron en 2018 d'éviter une bévue quand il a parlé d'honorer tous les maréchaux de 14-18. Oui, on aurait pu honorer tous les maréchaux de 14-18 car Pétain n'en faisait pas partie. Voilà, et je me suis posé la question pendant le récit, figurez-vous. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que je dis maréchal, mais plus maréchal. Bon, mais merci pour la réponse. Alors, cette tentative maladroitement menée de transfert du corps de Philippe Pétain, aurait-elle pu réussir? Alors, je sais que les historiens ne réfléchissent pas sur des suppositions, sur des si. Mais enfin, je vais préciser ma question. Pourquoi je vous la pose? J'aurais pu vous dire aussi... L'époque était-elle porteuse, je dis bien l'époque, était-elle porteuse d'un éventuel succès de cette tentative? Ou en tout cas, qui n'aurait pas été mal reçue, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, sans doute pas. D'ailleurs, on voit la réaction de l'opinion. Il y a ceux qui s'offusquent, et on voit même que Izorni et l'Association pour la défense de la mémoire de Maréchal Pétain s'offusquent. Bon, en fait, c'est parce qu'ils sont pas tout à fait dans le secret des dieux, et ils ont peur de savoir comment ça va se terminer cette histoire. Il vaut mieux faire semblant de s'offusquer. Mais sinon, pour la majorité du pays, il y a qu'à voir les titres de presse, en dehors de la presse qui flirte avec l'extrême droite, il y a un grand éclat de rire. Vous regardez Le Canard Enchaîné, on parle de Les Eaux de Vichy, Maréchal, c'est Pétain qu'il nous faut, parce que toutes les polices sont à la recherche de Pétain, donc c'est Pétain qu'il nous faut, etc. Enfin, pour les Français, ça a été un moment presque rafraîchissant, un fait divers absolument ébouriffant, une histoire complètement folle, mais on peut pas dire qu'il y avait un mouvement d'opinion favorable à la translation des cendres de Pétain à Douaumont. D'ailleurs, cette histoire, il y a quelque chose qui est un peu flou quand même dans cette histoire. On dit toujours, c'est ce qu'a prétendu Massol, donc que il avait volé le cercueil pour l'emmener à Douaumont. Mais en fait, les choses sont un petit peu plus compliquées parce que au départ, on a emmené le cercueil dans un château d'un Vendéen, un ci-devant, François Boutcasson, qui devait faire partie du complot, qui avait été contacté par Tixier Vignoncourt, etc. Et puis finalement, il s'est dérobé à la dernière minute, il a eu peur. Ce qui fait que l'équipe est arrivée avec sa camionnette devant le château, et puis il y avait personne, et ils ont fini par partir. Et là, c'est à partir de ce moment-là ils sont découverts, ils savent qu'ils sont traqués, ils peuvent pas aller à Douaumont, mais au départ, ils devaient pas nécessairement aller à Douaumont. Donc derrière, il y avait plus l'idée d'un chantage. Parce que si personne ne s'était aperçu qu'on avait volé le cercueil, on avait quand même rebouché la dalle, si personne s'en était aperçu, et si on avait bien caché le corps, dignement, et non pas dans un garage, dans une cité, etc., de façon sordide. Bon, eh bien, là, on avait du temps pour faire pression sur l'exécutif en disant, oh là là, vous voyez, on a le cercueil, on pourrait sortir de par le haut, vous acceptez de le transférer à Douaumont. Voilà. Mais on n'a pas pu faire ce chantage parce que il y a eu au dernier moment ce noble Vendéen qui s'est un peu dérobé. D'accord. Donc, effectivement, l'épisode est plus rocambolesque que politique. Il est un peu politique quand même, car il s'agit de Philippe Pétain, qui était donc un politique. Pénalement, ça vaut pas grand-chose. Enfin, ils n'ont pas été condamnés. Est-ce que, question d'époque encore, je rappelle que nous sommes en 1973, est-ce que la guerre est trop proche? Est-ce que les cicatrices sont encore un peu sensibles? Parce qu'il y a encore beaucoup de protagonistes de la guerre qui sont vivants en 73, bien plus qu'aujourd'hui, évidemment. Est-ce que tout ça concourt au fait que, bon, on n'en fait pas trop, quoi? Ah, écoutez, cette question-là, surtout qu'en plus les élections ont lieu en mars, hein, vous l'avez rappelé, en mars 1973, on est à quelques jours des élections. Donc on n'a pas envie de soulever cette vieille question. Voilà. Évidemment, il y a les protagonistes. Faut pas oublier non plus que Pompidou a pas toujours été clair, puisqu'en 69, pendant aux élections présidentielles de 69, il a il a fait un deal, si je puis dire, avec Tixier-Vignancourt, ne te présente pas à l'élection et appelle à voter pour moi, et en échange, je m'engage une promesse que je ne tiendrai pas, hein, mais à transférer Pétain à Douaumont. Bon, alors cette question, elle peut toujours créer des tensions à droite. Elle peut toujours créer des tensions à droite. Et puis, mais en même temps, il y a une page qui est en train de se tourner au début des années 70. En 73, c'est la publication de Paxton, de la France de Vichy, de Paxton, qui crée vraiment un scandale. Énorme, parce qu'on découvre tout d'un coup que Vichy, c'était pas comme on pouvait le penser, que c'était pas Pétain qui avait fait ce qu'il pouvait pour protéger les Français, c'était la fameuse thèse du bouclier défendue par les pétainistes, mais que au contraire, Vichy avait secondé l'occupant, et non seulement l'avait secondé, mais l'avait même précédé dans la déportation des Juifs, dans l'arrestation des Juifs, etc. Et là, ça a été un scandale énorme. Et là, il y a quelque chose... Il y a une opinion qui bascule véritablement. Il y a un mythe qui tombe. Oui, il y a un mythe qui tombe. Des deux côtés, en fait. Il y a aussi le mythe résistentialiste qui est aussi en train de prendre l'eau. Ça, c'est le mythe résistentialiste. C'est la France qui s'est libérée par elle-même. La France unanimement résistante. De Gaulle avait installé, et les communistes, mais De Gaulle avait, c'est les deux forces qui sont issues de la résistance. De Gaulle avait installé ce mythe parce qu'il fallait redonner de la fierté de l'honneur à la France et la placé dans le camp des vainqueurs. Mais dans les années 70, tout ça est en train de crouler. Non, la France n'a pas été unanimement résistante. Et non, Pétain n'a pas été un bouclier. Pour quelle raison le président Pompidou fait-il déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Pétain? Il aurait pu s'en passer. Oui, de notre point de vue, aujourd'hui. Bien sûr. Effectivement, aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une violation de sépulture. Et Pétain, même s'il a été frappé d'indignité, même s'il a été condamné à mort et condamné pour haute trahison, etc., il reste à l'époque, il est vu par tous comme le vainqueur de Verdun. Il y a l'idée d'une réparation par rapport à. C'est une conception de Pétain qui a été posé par De Gaulle à plusieurs reprises, notamment en 66 lors des commémorations du cinquantenaire de la bataille de Verdun, d'un maréchal qui a été grand par le passé, qui a été un grand chef, et qui ensuite à l'hiver de sa vie, donc par sénilité, par vieillesse, etc., s'est fourvoyé dans la collaboration. Il le dit aussi dans ses mémoires de guerre, la vieillesse est un naufrage, et la vieillesse du maréchal elle s'identifie avec le naufrage de la France. Donc l'idée de voilà, et ce qui fait que Pompidou est un peu dans la succession, dans l'héritage, il y a eu, c'est le grand chef qu'on honore et dont le repos éternel a été troublé. Alors on met une gerbe de fleurs en titre de réparation. Alors justement, il n'a pas été le seul. Giscard aussi a mis une gerbe en 1976 pour les 60 ans de alors je sais plus si 76 ou 78, je pense que c'est 76. Et évidemment Mitterrand par la suite. Bien. Ensuite, ça se termine. Est-ce que les successeurs de François Mitterrand, non, je ne crois pas. Ah non, ça s'est terminé. Ça s'est terminé avec là. Tout le foin qu'il y a eu en 1992. Les Français l'ignoraient que Mitterrand mettait une gerbe chaque année sur l'Île-Dieu. Enfin, c'était pas lui, c'était le préfet. Mais quand il, en 1992, ça leur a explosé à la figure avec Serge Klarsfeld, qui est venu avec les étudiants juifs de France, qui ont empêché le préfet de déposer une gerbe. En réalité, il est venu en hélicoptère après le départ du dernier bateau pour mettre la gerbe. Mais ça a été un tel scandale avec la télé qui était là, que plus jamais François Mitterrand n'a déposé une gerbe à Philippe Pétain. Et puis en 94, il y a le livre de Pierre Péan qui révèle qu'il a été décoré de la France, qui révèle tout son et passé. Et la photo, surtout. Voilà, la fameuse photo. Pour les Français, si vous voulez, les choses sont vues un petit peu avec, en noir et blanc. Hein. On est dans la résistance, on est dans la collaboration. Et là, comprendre qu'on avait pu être vichiste, puis résistant, les choses étaient ambiguës. Puis après, on découvrait aussi qu'il était l'ami de Rouen des Bousquets, le chef de la police de Vichy. Alors, c'était plus possible. Justement, moi, je voudrais renvoyer l'historien à cette dichotomie entre Pétain, le héros de la Première Guerre, et Pétain, l'anti-héros, le contraire, hein, pour la Seconde Guerre. Alors, bien sûr, du côté des politiques, en fonction de la génération des politiques, on a des grilles de lecture différentes. Mais comment s'en sort l'historien avec cette dichotomie-là sur Pétain? Ah, alors, eh bien, écoutez, alors moi je suis un cas peut-être un petit peu atypique, parce que j'entends partout, il a été un grand soldat, ce que dit Emmanuel Macron, un grand soldat, par contre, voilà, il était un criminel à la tête de la France, voilà, bon. Pour moi, les choses sont plus compliquées, puisqu'en tant que spécialiste de la guerre de 14-18, j'ai étudié tout à fait précisément le rôle de Pétain, et je me suis aperçu qu'en fait, Pétain le vainqueur de Verdun, etc., c'est un véritable slogan qu'on a martelé, surtout dans l'entre-deux-guerres et surtout sous Vichy, parce que en 1916, Pétain a commandé, en gros, du 25 février jusqu'au 1er mai. Il a commandé quoi? 2 mois à Verdun. Et ensuite, c'est Nivelles, jusqu'au 15 décembre 1916, qui a commandé à Verdun et qui a repris tout le terrain qui a été perdu jusque-là, depuis l'assaut des Allemands. Et donc, c'est Nivelles, à l'époque, qui est considéré comme le chef, comme le vainqueur de Verdun. Et c'est et pour pourtant, ça que Nivelles, pourtant, le général Nivelles, devient le chef des armées françaises. Mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une rue qui porte le nom de Nivelles. Ah mais non, parce qu'en 17, Nivelles s'est complètement planté avec le chemin des Dames, la bataille du chemin des Dames qui a été un échec pas possible, et donc il a fait tomber sa couronne de vainqueur de Verdun dans la boue, et Pétain, à ce moment-là, est devenu le chef d'armée française, il l'a récupéré, c'était lui le seul, unique vainqueur de Verdun, et on pouvait oublier Nivelles. Voilà. Enfin, l'ironie de l'histoire. Enfin, c'est une deuxième couronne qui va tomber aussi, hein, celle de Pétain. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Marquis et Étienne Dao, qui chante « Je n'écrirai plus si souvent ». Voici que descend le soir, fait de grands doutes et d'espoir, de secousses passagères et de pénombres familières. Je serai debout et face au vent, pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. C'est un dernier bal qui se traîne sous un ciel maudit de carême. Serait-ce un phare ou ton signe sur lequel enfin je m'aligne. Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. Rapture. Just rapture. par ton signe sur lequel enfin je m'aligne. Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. Raptures, raptures. Jean-Yves Le Naour, vous avez publié en 2009 un livre dont le titre m'amuse. On a volé le maréchal. Vous auriez pu titrer On a volé, ou la tombe du maréchal a disparu. On a volé le maréchal. C'est chez Larousse. Et ça renvoie à ce que vous disiez. C'est une information. Il y a à prendre pas totalement, pas 100% au sérieux. Il y a quelque chose là-dedans qui est un peu rocambolesque. Mais à l'époque, le pétainisme existe. Est-ce que c'est une subdivision de l'extrême droite ou est-ce que c'est une nostalgie par la politique? Ah. C'est sans aucun doute une nostalgie en politique, mais qui est une famille, on l'a vu puisque les pétainistes ont intégré le Front National, donc ça a été une petite famille à l'intérieur du Front National, mais néanmoins le Front National n'a pas mis en avant le pétainisme comme, ou la translation des cendres comme slogan mobilisateur. Hein, oui, comme figure encore importante. Alors voilà, on avait de temps en temps Jean-Marie Le Pen qui faisait une déclaration, mais toujours bien bien calibrée, en disant je ne crois pas qu'il ait trahi la France. C'était un grand Français, et puis voilà, ça s'arrêtait là, histoire de donner quelques gages. Mais si vous voulez, les pétainistes, on peut les mesurer en leur audience, dans leur ils ont une revue, l'Association pour la défense du maréchal Pétain a une revue, et franchement, quand vous voyez les photos, ce sont des petits vieux qui se réunissent au moment de l'anniversaire de Pétain dans sa maison natale, qui se réunissent au moment de sa mort en juillet sur l'île Dieu devant sa tombe, et ils sont quelques dizaines tout au plus. Et la première génération de pétainistes est morte, la deuxième, celle qui est venue au pétainisme par la guerre d'Algérie, par la détestation de Gaulle, parce qu'il y a la première détestation de Gaulle, l'homme qui a divisé les Français alors qu'on aurait dû être tous derrière le maréchal, donc ça c'est 40, et puis il y a l'homme qui a bradé l'Empire, bradé l'Algérie, en 62, ça c'est la deuxième génération du pétainisme, et celle-ci aussi est en train de disparaître. Donc le pétainisme, lui, il se porte mal, mais la nostalgie, en revanche, la nostalgie du passé, l'exaltation de la décadence, la xénophobie, tout ça, ces thèmes peuvent encore surnager. Il y a d'ailleurs des polémistes de talent qui se revendiquent un peu de Pétain. Enfin, ces gens-là ont bien conscience que Pétain avait mis en place un régime collaborationniste, criminel, antisémite. Oui, mais alors il tente de le disculper. Alors c'était pas facile. Depuis 44, il y a la théorie du bouclier de l'épée, c'est-à-dire que De Gaulle était l'épée pendant que Pétain essayait de protéger les Français tant bien que mal. Il tente de justifier l'armistice en disant c'était au contraire un Verdun diplomatique. Si on n'avait pas fait l'armistice, l'Angleterre aurait été vaincue. Alors on comprend absolument pas leur raisonnement. Mais enfin bon. Et puis il y a la collaboration. Mais la collaboration, elle a protégé. D'accord. Les juifs, on aurait déporté des juifs français pour sauver des juifs. On aurait déporté des juifs étrangers réfugiés en France pour sauver des juifs français. Oui, on connaît la musique effectivement. Voilà. La réalité, c'est 66 000 déportés politiques, 76 000 juifs déportés, 20 000 maquisards tués, 30 000 fusillés. C'est ça la réalité. Exactement. De vie. Merci. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Jean-Yves Le Naour. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, le cercueil de Philippe Pétain, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Récit documentaire, Constance Villanova, Adrien Mora, Gaspard Valu et Simon Maisonob. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Lauriane Toulmont, Coyenne Guyenne et Benjamin Riquet.